Comment bien gérer un plan cul? Il est évident que le grand amour ne tombe pas du ciel, et qu'en plus, il faut dans certains cas attendre fort, fort longtemps avant de le rencontrer, ce qui te laisse pas mal de temps pour t'amuser. Cependant, avant de commencer une relation exclusivement physique, tu dois vérifier que c'est bien de sexe dont tu as besoin, et non d'attention. Sinon, tu seras vraiment déçu. Dans le même registre, je te déconseille aussi fortement tout échange de messages en dehors de ceux nécessaires pour vous voir. Je suis certaine que tu as d'autres personnes autour de toi pour partager ton quotidien et ça évitera bien des malentendus. Il est également important de fixer des règles de base et de se respecter mutuellement. Les glissements de tâches sont également à bannir. Ce mec ne sert qu'à une chose, te donner du plaisir. Pour les menus services, genre déménagement ou bricolage, tu feras appel à ton frère, ton cousin ou ton voisin. Mais en aucun cas ton sex-friend. Ne t'affiche pas avec lui en le faisant passer pour une connaissance, au risque de le faire très vite passer pour ton futur mari. La tension sexuelle entre vous est certainement palpable. N'oublie pas que l'idée du plan cul, c'est d'avoir du sexe de qualité sans t'encombrer avec les états d'âme et les problèmes existentiels de ton partenaire. C'est pourquoi, quand tu as un coup de blouse, n'hésite pas à reporter votre partie de jambes en l'air, car tu risquerais de trop te dévoiler et il n'a pas besoin de connaître tes faiblesses. D'autant plus qu'il s'agit fréquemment d'une personne avec qui tu n'as pas forcément d'autres points communs. C'est d'ailleurs pour ça qu'il vaut mieux ne pas ébruiter cette liaison charnelle. Tes copines ne comprendraient certainement pas comment la fusion est possible et risqueraient de te faire des reproches. Je te conseille donc, si tu souhaites continuer à baiser tranquille, de limiter ton retour d'expérience à l'énonciation de vos prouesses sexuelles, sans jamais donner la moindre piste sur son identité. Tu es certainement bien placé pour savoir qu'il n'y a pas plus curieuse qu'une bande de potes en recherche de ragots. Une fois que tu as bien verrouillé au niveau de la discrétion, il va falloir penser à protéger ton petit cœur, si tu ne veux pas souffrir tôt ou tard. Et cela à cause des diverses hormones qui ont la fâcheuse tendance à jouer des mauvais tours. Du coup, il faut veiller à te protéger émotionnellement. Il faut donc absolument garder une juste distance, car une fois que Cupidon te balance une de ses flèches, c'est foutu. Si toutefois les sentiments se pointent, il faudra peser le pour et le contre. Car une bonne entente sexuelle est importante dans un couple, mais ne suffit pas forcément à pallier l'incompatibilité du quotidien. Le dernier point à ne pas négliger, c'est que même si le plan cul est régulier, il vaut mieux toujours se couvrir. Car l'exclusivité est rarement de mise dans ce type de relation, et ça serait vraiment stupide de choper un sale truc pour quelques minutes de bonheur ou de procréer accidentellement ce qui changerait ta vie à jamais. Retiens bien tous ces conseils, et éclate-toi autant que tu veux avec qui tu veux, mais toujours de manière réfléchie. C'était Evan Matisse et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.